Et aux Lakers, oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui. Et il faut s'attendre à quelques problèmes de circulation ce soir, avec ceux comment déjà, oui. Change de radio. Ah, change. Good morning. Ah bah bouge plus. Good morning everybody. Allô, bonjour. Ça me gêne, ça me gêne. Quoi? Pas de panique, je m'occupe de vous. Arrête cette radio, je t'en prie, j'essaye de me concentrer. Big bisous. Big bisous. C'est qui? C'est cool. Et hop. Explication. Nos tables d'écoute captent vos émissions de radio depuis de nombreuses années. Je vais vous casser toutes vos jolies dents. Ça me gêne, ça me gêne. Et puis aussi les deux bras. Ça me gêne, ça me gêne. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as besoin d'argent, bah demande-le. Qu'est-ce qui nous arrive dans le futur? J'ai vu quand t'as vu. D'où nous venons, où nous allons? Les soubresauts et les péripéties, les périls et les promesses. Peut-être même trouver une réponse à cette éternelle question. Pourquoi ?